un texte. Pas de soucis, il paraît pour t'envoyer ça. Chez moi c'est devenu l'usine avec la paye du RSA. Et j'ai l'impression d'aimer ça. Je suis loin des difficiles, je viens de là où on grandit seul. Viens faire un tour et tu visites l'ambiance. Et parti, qu'est-ce qu'elle est belle la France. J'ai un million de vues et c'est trop pâle, crois que j'ai une vie de palace. Et vas-y nique ta race. Car il fallait bien que je le sorte, des rimes fortes. Et toi non, ce n'est pas la rage que je porte. Prose virale, reflet d'une attitude pirate. Aïe, viens voir ma sup, elle ne fait pas de miracle. Grave, c'est le chantier mais sans briques. Des discrets aux indiques, inscrits au pôle emploi. En attendant un petit smic, tout le monde devant son stick. Rien de fantastique, tout le monde devient tendu. Une forme de gymnastique, de l'herbe dans le plastique. Argument de vos articles, ici c'est chacun ses règles. C'est pas une forme mais l'arbitre. Du béton au bétail, l'odeur de la maillasse Beckham. Du ghetto à guetta, cherche à remplir le bustam. On a tous une vie à faire, vas-y regarde et valide. Y'a mes gars sur le terrain mais pas au Real de Madrid. Faut que l'état et son équipe, ou leur couper l'appétit. Un peu oui, un salmon lard dans leur spaghetti. Fini de jouer, j'ai compris, j'ai mis de côté leur Achille. C'est les histoires et si je reviens c'est pour casser la machine. Toujours en stress ici, et un message précis. J'ai des clips sans piscine, qui tournent jusqu'en Sicile. On se fait petit mais si, je voulais ça en jacter. Chacun ses griffes, dans ce métier tu en verras gratter. Rappais-tu, te rendais-tu, joues-tu un rôle battu. Plus je t'écoute et j'en peux plus en pleine période récup. LSLC t'éduque, et vas-y lâche l'oreille. Lève-toi, et montre-leur comment on travaille l'élève. Fais ta vie et mêle-toi seulement de ce qui te regarde. Tu tomberas mais y'aura personne comme Spider-Man. Fin de mois difficile, problème invisible. Paye une facture, demain tu en as 10 qui arrivent. C'est la vie, c'est ainsi, mais trop près les étincelles. Toujours les pieds sur terre et même quand je monte sur scène. Si t'as un truc, va le faire, n'aie pas peur de la perte. De toute façon y'a rien à gagner, vas-y fonce tu vas perdre. Non y'a pas de raquette et ni vendeur de lamelles. On connaît tous un gars qui veut le casting de la haine. Le parking est amarre et les discours pareil. Avoir un flingue c'est vicieux mais ce que tirer c'est malin. T'en sais rien, ce que tu prends n'a rien d'un messager. Les seules fois que tu progresses c'est quand tu t'es téléchargé. La barre est surchargée et toutes tes notes sont fausses. Pendant que tu t'inventes une vie uniquement sur Firefox. De 1 je fais un boucan, de 2 je te souhaite de rien perdre. Le 3 je le fais tout le temps mais je n'ai jamais tué quelqu'un. A 4 parce que ça date, chaque histoire a sa raison. Ouais, grâce sur hip-hop, je n'ai pas fondé une maison. Maître de cérémonie, artisan à chaque saison. J'ai sorti juste un album pour mille une liaisons. Le groupe c'est les grandes gueules et pourtant on aime le silence. Tranquille, ça marche, on verra si le projet sort en mars. Didier Sax, demi-portion. On rappe, c'est tout. Sous le choc, volume 2. 1. Rachid.